C'est bien, la vidéo crée le silence par elle-même. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue. Je vous propose de commencer à l'heure, notre agenda de ce soir étant, comme à notre habitude, bien chargé. Mais avant de commencer, et au nom de toute l'équipe du PMI Pôle Lyon, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour notre événement qui s'inscrit dans la 15e édition de la semaine sur la qualité de vie au travail et qui est intitulée « Du concept à la réalité, bien-être et performance ». Ce soir, j'aurai l'immense plaisir d'animer une table ronde avec des professionnels de qualité pour lesquels j'ai personnellement beaucoup d'estime et avec qui j'ai pris grand plaisir à partager des moments privilégiés pour préparer cet événement. Tout d'abord, Lise-Marie Biez a accompagné des projets de transformation organisationnelle et culturelle. Lise-Marie accompagne dorénavant des projets de transformation, de transition et de développement des organisations, entre autres. Lise-Marie est également accompagnée de Jérémy Bataille de FlexJob, dirigeant et fondateur qui a créé FlexJob en 2016 afin d'accompagner, de promouvoir, d'encourager, de développer les organisations permettant un travail agile et flexible, guidé par le sens, tout en favorisant le recrutement de profils atypiques. Même si atypique est un sujet qu'on pourra développer plus tard. Jérémy et Lise-Marie sont accompagnés de Florent Marchal, responsable transformation au sein du groupe SEB France. Florent a passé de nombreuses années au sein du groupe tourné vers l'expérience consommateur en tant que responsable marketing. Il est depuis 2 ans maintenant responsable, ou en tout cas déploie toute son énergie, pour l'expérience collaborateur. Donc un grand merci à vous trois d'être parmi nous ce soir et d'avoir accepté de venir partager vos témoignages. Pour celles et ceux que je n'aurais pas eu encore l'occasion de rencontrer lors d'un de nos précédents événements, je me présente Marine Padula, directrice adjointe du PMI Pôle Lyon et par ailleurs responsable formation et projet chez Bayer. Slide volontairement provocateur, le bien-être au travail et la performance. Ce soir, nous avons fait le choix de venir parler d'un sujet parfois décrié, souvent mal compris, et malheureusement, trop souvent, réduite à l'image du baby-foot. Alors, j'espère ne décevoir personne ce soir, mais nous n'allons pas faire l'apologie du baby-foot. Je suis navrée. Par contre, nous sommes intimement convaincus tous les quatre que le baby-foot, entre autres, peut s'inscrire dans une démarche plus globale de bien-être au travail. Mais ce n'est pas la seule réponse, sinon ce serait trop facile, et puis on s'ennuierait dans les 1h30 qui vont suivre. Ce soir, nous allons vous proposer des clés de lecture, des clés de compréhension et surtout, j'espère, des pistes de réflexion pratico-pratiques que vous pourrez aussi mettre en place ou en tout cas inviter à la réflexion pour mise en place dans vos organisations. Quelques mots d'introduction avant d'ouvrir la table ronde. Tout d'abord, une étude, quelques chiffres pour montrer finalement cette corrélation entre bien-être et performance. Alors, elle est connue, elle est partagée. J'imagine que bien nombre d'entre vous connaissent cette étude, qui est la dernière étude d'Harvard et MIT, qui révèle qu'un salarié heureux au travail est 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, mais aussi et surtout 31% plus productif et 55% plus créatif. Alors, des études, il y en a pléthore. J'ai choisi celle-là parce qu'elle m'arrangeait en fait par rapport au sujet et à l'histoire de la performance, mais surtout parce que je la trouve assez significative, même si elle pourra faire l'objet de discussions ultérieurement. Et j'aimerais aussi, dans ce préambule, et une fois encore avec toutes les études qu'on pourrait retenir, en évoquer 2 autres qui m'ont marqué, notamment le sondage IFOP qui révèle qu'un salarié sur 4 n'est pas épanoui dans le travail. Je m'interroge sur les 75 autres %. J'aimerais également évoquer le sondage de l'étude de Gallup, Institut de sondage américain, excusez-moi, qui a fait une étude sur l'engagement et qui révèle que seulement 9% des salariés sont pleinement engagés dans le travail et pire, 26% activement désengagés. Je vous invite à la réflexion. Ceci étant dit, quand on parle d'engagement, de désengagement et surtout de symptômes du mal-être au travail, symptômes du bien-être au travail, je regardais récemment sur LinkedIn une des entreprises concurrentes que je ne citerai donc pas, qui disait quelque chose d'assez poétique. Le bien-être de ses salariés dans l'entreprise, ils le mesurent à leur sourire. Donc j'aime beaucoup. Mais en fait, finalement, c'est bien, mais quand on parle de mal-être, de quoi parlons-nous ? Donc on a ces fameux symptômes un petit peu connus, ou en tout cas visibles, du turnover, de l'absentéisme qu'on évoque, mais j'aimerais aussi mettre dans la balance ces symptômes qu'on évoque un peu moins souvent, ou en tout cas qui sont moins visibles et qui pour autant existent, et que je qualifierais d'absentéisme moral, à savoir le manque de proactivité, de capacité d'initiative qu'on pourrait aligner avec finalement le manque d'orientation client dans le métier des services, et puis le manque d'efficacité personnelle et ou collectif, qui là a plus trait aux défauts qualité. Après, des symptômes, ça veut dire aussi des coûts. De la même manière, des coûts visibles et puis d'autres un peu plus invisibles ou plus difficilement palpables. Quand on parle de collaborateur qui s'en va, il faut évidemment le remplacer. Donc remplacer un collaborateur, ce sont des coûts de recrutement, ce sont des coûts d'intégration, des coûts de formation, d'absentéisme, des coûts évidemment de désorganisation au niveau du service, et puis bah, parfois des coûts d'intérim aussi. Et puis ces coûts, pour autant bien présents, mais une fois encore plus difficiles à suivre, les coûts que je qualifierais de non-qualité, quand on a des retards, des erreurs, des malfaçons. Et tout ça, mis bout à bout, finalement, entraîne un véritable impact au niveau de l'image et vis-à-vis des clients, entraîne un impact sur la fidélisation de ces derniers. Ceci étant dit, j'aimerais ouvrir la table ronde par une première question en vous demandant, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce mal-être dans le travail ? Est-ce que vous pourriez chacun, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, nous évoquer une ou deux pistes ? Oui. Alors bonsoir, merci pour le temps pris ce soir pour partager le sujet du bien-être au travail. Alors effectivement, dans tous les éléments liés au désengagement, il peut y avoir beaucoup de raisons. Moi je dirais que, en ce qui me concerne, pour moi, dès lors qu'on est dans une dimension où au sein du travail, on met l'individu dans une posture où il ne peut plus mobiliser son intelligence individuelle, où il ne peut plus non plus exprimer son intelligence émotionnelle, et du coup aussi que l'entreprise bride l'intelligence du collectif, je pense qu'à partir de là commence à venir le désengagement, puisque du coup on a évidemment la notion de ne plus savoir à quoi on sert dans cette entité ou dans cette organisation. On répond soit à des processus dont on ne sait plus si on peut les challenger ou pas, on répond à des directives dont on ne connaît même pas l'origine, le sens profond. Et en même temps, je me dis aujourd'hui, l'organisation telle qu'elle est régie, et si je me réfère, alors tu l'as dit, je ne suis pas du métier des ressources humaines ou je viens du marketing, mais du coup, il y a des éléments du code du travail qui pour moi sont très marquants et qui peuvent orienter cette notion d'alimenter ce désengagement. Et je parle par là du lien de subordination. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous signez un contrat de travail, vous êtes soumis à un lien de subordination. Alors du coup, pour donner les éléments précis et pour ceux qui n'auraient pas la définition exacte du lien de subordination. Donc il s'agit donc d'un lien qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Et ça, cette définition, elle a été revue par la Cour de cassation en 1996, donc ce qui n'est pas si ancien que ça. Et évidemment, pour moi, voilà, le lien de subordination, c'est déjà le premier élément qui peut amener cette notion de perte de sens, de désengagement, parce qu'au final, je suis soumis et j'ai une forme de renoncement à moi-même, parce qu'au final, c'est bien marqué, je dois répondre à des ordres et pas tellement mobiliser mon intelligence. Donc je pense que, en tout cas, sans rentrer dans les éléments de réponse, mais on remplacerait le lien de subordination par déjà un lien de coopération. Je pense que dans ce que vivent les entreprises d'aujourd'hui, ça apporterait une dynamique beaucoup plus porteuse. Voilà, que de se baser uniquement sur l'aspect subordination individuelle. J'en profite pour rattraper. Déjà, merci beaucoup de me faire intervenir sur cette thématique qui me tient particulièrement à cœur. Ce que j'apprécie énormément, c'est qu'enfin, on se parle du travail. Parce que souvent, dans le bien-être au travail et performance, on parle beaucoup du bien-être, on oublie qu'en fait, c'est le bien-être au travail. Et du coup, je rebondirais sur ce que tu disais, Florent. Je pense qu'effectivement, on connaît un modèle d'organisation du travail, cher à notre ami Taylor, basé sur ce triptyque commandement-exécution-reporting, qui en fait arrive à bout de souffle, qui lui-même est vecteur de désengagement, vecteur de mal-être, puisqu'il y a, à travers ces modèles-là, la dimension objective du travail qui est très forte et qui vient finalement cachée, la dimension subjective, donc la dimension d'épanouissement individuel, la dimension de sens que l'on peut donner à ses actions, et la dimension collective qui remet le travail dans sa raison, hein, dans son utilité. On travaille à partir du travail de quelqu'un et on travaille pour quelqu'un. Et en fait, cette dimension objective qui est hyper mise en avant, on voit aujourd'hui avec beaucoup de reporting, on voit pour avoir vécu récemment une expérience auprès d'une ETI qu'on accompagne, où finalement les collaborateurs sont tellement soumis à des objectifs, à des objectifs, à des objectifs, à des objectifs, que bah, l'entraide gratuite c'est fini, ils ne veulent plus entendre parler parce qu'il faut qu'ils répondent aux objectifs. Et puis à un moment ils se disent, mais en fait ces objectifs ils servent à quoi ? À quoi ça sert tout ce que je fais ? Et en fait moi je sers à quoi du coup ? Et très rapidement on arrive sur cette perte de sens, ce mal-être, et je crois, c'est une conviction personnelle, que ce modèle d'organisation très pyramidal, très hiérarchisé, ce système dans lequel on évolue, est pour moi la raison principale en fait, du désengagement et de tout ce qu'implique le désengagement. La perte de performance, hein, parce qu'on l'a vu, turnover qui augmente, l'entreprise dont je vous parle, 50% de taux de turnover depuis un an, enfin, c'est colossal. Difficulté à attirer les talents, parce que forcément, bah, on y vient, mais on y repart. Difficulté d'innover, et donc bah, forcément, la performance, bah, elle baisse, et du coup, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel s'entraînent un certain nombre d'entreprises. Merci. Alors, moi, je vais amener une petite partie un tout petit peu différente parce que j'ai la casquette DG et DRH ici. Quand on a commencé à parler de ce sujet, d'abord, on a mis une première heure à dire est-ce qu'on va parler de qualité de vie au travail ou de bonheur. Ensuite, on a essayé de définir le bonheur, puis on est revenu un petit peu en arrière. Mais pour vous dire que j'ai piloté des projets de transformation dans des organisations très différentes, en taille, en activité, en secteur, en culture, en maturité, très différentes. Et contrairement à ce qu'on entend ici, où on entend parler de vraies souffrances au travail dues à des organisations qui ont vraiment du mal à se transformer, moi j'ai eu l'expérience un petit peu étonnante de me retrouver face à des gens qui étaient très malheureux dans une organisation qui avait tout fait pour qu'ils soient super heureux. Ils avaient des locaux merveilleux. Ils avaient des procédures merveilleuses. Et les gens grinçaient des dents. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce qui se passait, c'était qu'on s'était planté. On avait décidé qu'il y avait une manière d'être heureux. Déjà, on avait décidé qu'il serait heureux. Et puis, on avait décidé qu'il y avait une manière de faire et on avait ratiboisé la boîte, comme ça. Et la modélisation, hein, que ce soit un petit livre, les livres de management qui se vendent si bien, qui vous vendent des modèles de modélisation, des modèles d'organisation du travail, ce sont des modèles qui échouent parce que on ne peut pas dire qu'une seule méthode va s'appliquer à l'ensemble des situations et surtout va s'appliquer à l'ensemble des individus. Donc je pense qu'il faut faire très attention à bien revenir à de l'individualisation. C'est difficile parce qu'on balance entre le besoin d'harmoniser des pratiques et des process et des systèmes et le besoin d'individualiser. La deuxième des choses, parce qu'on avait dit deux choses, c'est que je pense qu'on est tous un petit peu responsables. Ça, on aime moins. On aime bien râler contre nos entreprises, on a souvent bien raison de le faire. Et puis, de temps en temps, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte qu'on est tous, on a tous la possibilité d'agir ou pas. Et le fait qu'on fonctionne en processus, le fait qu'on fonctionne selon des modèles bien définis, ça nous met souvent dans une position de nous dire c'est pas moi, c'est pas ma responsabilité. Il y a un RH, il y a un DG, il y a un responsable transformation, c'est pas moi. Cette template là qui n'a pas été changée depuis 15 ans, c'est pas dans ma fiche de poste. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont vraiment le bon sens, hein. C'est vraiment du bon sens, mais c'est du bon sens qu'on oublie un petit peu. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je pense qu'on pourrait continuer cette première question et avoir tout un tas de causes encore multiples. Mais ce que j'entends, là, déjà, dans ce qui se dégage, c'est la notion de sens. Et j'ai le sentiment que si on devait identifier un fil conducteur dans vos réponses, ce serait que finalement, une des explications principales qu'on pourrait retirer, c'est de dire que le manque de sens pourrait être une des raisons principales de ce mal-être, de ce désengagement dans l'entreprise. On arrive à la question suivante. comment fait-on pour donner, redonner du sens dans le travail ? Je vais rebondir sur ce que disait Lise-Marie aussi par rapport à la dimension individuelle. Alors déjà, le sens, il se donne pas, donc il se trouve. Donc ce qui veut dire aussi qu'on a chacune, chacun, notre propre manière de définir et de nourrir notre propre sentiment d'utilité. Et il faut surtout pas enlever cette notion d'action personnelle sur ce sujet qui est pourtant très vaste. Et évidemment, quand on l'applique au monde de l'entreprise, on se dit, bah oui, mais la dynamique du bien-être, elle doit forcément être portée soit par le haut, soit par des services spécifiques qui pourraient être les ressources humaines, et les managers doivent aussi s'y impliquer, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est comme le disait Lise-Marie, vous pouvez travailler un modèle qui vous correspond. Imaginons, c'est le cas pour nous, Groupe SEB France, on a co-construit ces dynamiques de bien-être avec l'ensemble des 40 managers qui forment le CODIR élargi. On a ensuite impliqué par 16 sessions d'une demi-journée les 500 collaborateurs pour vraiment leur transmettre déjà le sens de notre démarche de transformation, qui se traduit par effectivement le sujet de comment on nourrit cette dimension de bien-être au sein des équipes. Mais ce qu'on a partagé avec les équipes à ce moment-là, c'est de dire que le bien-être allait venir d'elle-même. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on allait être sur un sujet piloté par le haut, avec des solutions peut-être toutes faites et qui auraient pu être prises ailleurs. Et évidemment, c'est du coup l'image que tu montrais au départ, hein. Le plus simple, c'est d'aller coller un baby-foot et de s'assurer que la couleur des murs soit bien rafraîchie. Mais voilà, ça ne fait pas avancer. C'est vraiment tout un ensemble qu'il faut travailler. Et dans tout cet ensemble, c'est l'individu à chaque fois qui doit être capable de se dire, voilà, ne serait-ce que pour moi, quel est le sens, voilà, que je veux avoir dans mon quotidien. Et ça veut dire, voilà, est-ce que je reste dans l'entreprise en question, est-ce que je bouge, est-ce que j'ai un environnement avec des pratiques managériales qui évoluent, qui me permettent de donner plus facilement mon opinion et ma parole est libérée. Et c'est pour ça qu'il y a aussi évidemment une dimension du collectif. On ne peut pas simplement renvoyer l'individu à lui-même en disant, bah écoute, voilà ce que je viens de dire, entre guillemets. C'est aussi la dimension du collectif. C'est pour ça qu'il faut que les managers jouent leur rôle, qu'il y ait une impulsion de la direction générale aussi pour donner ce cadre favorable en disant, bah, entre guillemets, vous avez le droit d'eux, parce que c'est vrai que dans le système français, on fonctionne encore beaucoup comme ça. Donc il y a forcément une notion d'impulsion, et dans le cadre de la démarche qu'on porte au sein de Groupe SEB France, c'est vrai qu'on a un sponsoring très fort de la direction générale, du directeur général, mais qui a vraiment eu à cœur de co-construire avec tous les managers et ensuite d'embarquer tous les collaborateurs pour qu'eux-mêmes amènent les briques qui permettent le sens. Voilà, comment on travaille mieux ensemble, comment on coopère, comment on questionne nos processus qui ont peut-être effectivement plus de sens et qui au final me pourrissent la vie dans mon quotidien, parce que quand je viens bosser, je viens en mode robot. Voilà, on a dit aux personnes, vous serez acteurs. Voilà. Donc il y a vraiment cette dimension d'agir pour soi. Moi, je rebondirais, effectivement, on a vu que redonner du sens, ça permet, dans le travail, ça permet de réengager. Un trait commun d'entreprise qui arrive justement à donner du sens, qui arrive à créer cet engagement au sein de l'entreprise. Souvent, on voit, et c'est le cas de ce que toi, tu as vécu au sein du groupe SEB France, qu'à la base, il y a une vision qui est partagée. Il y a une raison d'être de l'entreprise qui est co-construite, qui n'appartient pas à quelques personnes tout là-haut dans leur tour d'ivoire, mais qui au contraire en fait appartiennent à tous ceux qui collaborent dans l'entreprise, donc les collaborateurs, les managers et les dirigeants, qui ensemble en fait vont définir où est-ce qu'ils veulent emmener l'entreprise. Et c'est pas quelque chose qui est imposé. On parle de démarche participative, d'intelligence collective comme vecteur de sens. Si je prends l'exemple de Decathlon que l'on cite assez régulièrement, ils ont mené un projet de construction d'une vision. Les 40 000 collaborateurs ont pu s'exprimer, ont pu construire finalement une vision partagée, de se dire, ok, où est-ce qu'on a envie d'emmener Decathlon à 10 ans. Et le PDG de Decathlon, une fois cette vision faite, a dit, bah, on a défini ensemble le pourquoi, où est-ce qu'on a envie d'aller, le comment vous appartient. Le comment, c'est à vous en tant que magasin, que différentes entités, c'est à vous de définir concrètement, selon vos zones géographiques, selon vos métiers, selon ce que vous faites, qui vous êtes, de définir comment est-ce que cette vision s'incarne dans vos fonctionnements, dans vos nouvelles manières de collaborer et de travailler. Et pour moi, ça, c'est un point qui est fondamental. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, Lise-Marie. Chaque organisation doit trouver son propre modèle parce qu'elle a ses dirigeants, elle a son histoire, elle a ses métiers, elle a ses collaborateurs. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée de se dire, il n'y a pas un modèle. On entend parler beaucoup d'entreprises libérées, d'entreprises responsabilisantes. J'aime bien, à titre personnel. Mais très vite, on a tendance de se dire, OK, il y a un modèle, on l'applique et c'est parti. Ben non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je pense que c'est aussi un des vecteurs qui désengage de se dire, ben voilà, on va appliquer quelque chose, un processus bien descendant. Non, je ne crois pas. Je crois beaucoup plus, finalement, à l'intelligence collective, ce qu'on appelle le bottom-up, c'est-à-dire de faire remonter et de rendre quelque part un peu le pouvoir de décision à ceux qui sont au plus proche de parfois des clients internes, des clients externes, mais en tout cas ceux qui vont être concernés par les décisions. Je pense que ça, c'est un vrai vecteur de mal-être au travail et de perte de sens que de se voir imposer finalement des directives alors que potentiellement on peut être la personne la mieux placée pour y répondre. Donc j'aime beaucoup ce principe de subsidiarité qui vient permettre de replacer un peu le collaborateur, les managers au centre du jeu. Alors concrètement, je reviens quand même sur quelque chose parce que je me suis emballée là-dedans. Tu fais bien de me tendre la perche pour que je reprécise. Il s'agit quand même bien d'être pragmatique. On est au travail, il est très difficile d'individualiser la totalité des choses et puis on est quand même obligé de collaborer et de coopérer malgré tout. Ce qui est aidant dans tous ces cas, dans toutes ces situations et dans tous les cas qu'on a discutés ensemble, c'est le fait de se connaître, mais alors tout bêtement se connaître soi-même, hein, savoir justement quel est son levier d'engagement, quel est son levier de sens, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, il y a des gens, tout bêtement, il y a des gens qui sont à différents moments de leur vie, hein, d'ailleurs, et selon leur personnalité, drivés par la volonté d'apprentissage. Vous leur permettez d'apprendre, et bien tout de suite, ce sont des gens qui pétillent. Il y a des gens qui vont être drivés par la volonté de prouver leur évolution professionnelle. Ça sera des choses importantes. Ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est vraiment pas. Il y a des gens qui sont drivés par l'argent. Il y a des gens qui sont drivés par différentes choses. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. En revanche, il va falloir bien en avoir conscience pour pouvoir emmener vos équipes. D'autant plus lorsque vous êtes chef de projet et qu'il va quand même falloir pouvoir motiver vos équipes, les engager, leur permettre d'évoluer et souvent de faire tout ça avec des relations hiérarchiques non directes. Alors la raison pour laquelle je suis ici ce soir, c'est justement parce que j'étais dans un environnement qui n'était pas particulièrement projet, qui était très très RH, très multiculturel, très international. On avait d'autres projets, mais pas la culture du PMI, et je cherchais un langage commun pour parler au travers de l'organisation, à travers les différences culturelles, à travers les différences individuelles. Et j'en ai trouvé deux. D'abord, un langage émotionnel commun. On a formé l'ensemble des managers à une sorte de langage émotionnel, en sachant que nos managers étaient des managers transversaux à travers les pays. Et ensuite, on a formé les managers au PMP pour qu'on ait, au sein de l'organisation, des mêmes manières de communiquer sur les besoins d'orchestrer la totalité de nos actions, quels que soient les services, et d'éviter les silos. Ça nous a permis d'avoir à la fois une grande individualisation, parce qu'on a pu se parler franchement avec des mots qui faisaient sens pour nous tous, et puis en même temps de pouvoir collaborer, parce que c'est quand même le besoin principal. Et j'ajoute par rapport à ça que j'ai vu une différence majeure de mon côté, et ce n'est pas une hausse de la productivité, c'est pour ça qu'on disait que sur les chiffres, je n'étais pas entièrement d'accord. Maintenant, c'est juste mon expérience à moi. Ce n'est pas une hausse du niveau de performance, et je pense qu'il faut chercher la qualité de vie au travail, pas pour la performance et la productivité, sinon c'est déjà un peu biaisé. Par contre, ce que j'ai vu réellement, c'est la capacité de maintenir le niveau de performance dans le temps. Alors, vous avez un projet de RP colossal qui va se déployer sur 2 ans et demi. Si vous avez des équipes qui se barrent après 6 mois parce que c'est insupportable, votre projet fera échec ou bien ses coûts et ses délais vont complètement flamber. C'est vraiment ce qu'il faut noter. On dit en français la performance, je pense que c'est parce qu'on comprend mal le mot en anglais, c'est la capacité à maintenir ce niveau de performance dans le temps. Et pour ça, il est très important de prendre en compte les individualités, mais également de mettre tout en œuvre pour ce qui permettra à l'intelligence collective de s'exprimer. Voilà ce que je voulais dire en termes de sens. Donc, si je peux apporter des éléments de complément et qui illustrent tout ce que Jérémy et Lise-Marie viennent d'exprimer, c'est que Typiquement sur notre sujet, nous au sein de Groupe CEP France, on a lancé la dynamique sur, au départ, qui est liée au fait qu'on fait partie d'un grand groupe, le Groupe CEP, donc qui est leader mondial du petit équipement domestique. La filiale France est une filiale stratégique pour le groupe, puisqu'on est la filiale qui pèse le plus lourd dans les résultats du groupe et qui donne au groupe la capacité d'aller se développer à l'international en se portant acquéreur d'autres marques. Et donc on a un enjeu business qui est très fort, qui pèse sur nos épaules, et le groupe est venu vers mon directeur général il y a 2 ans en disant, voilà, la France, au-delà des résultats qui sont bons jusqu'à présent, il faut que vous soyez très très très bon et que vous accélériez votre croissance, puisque la perspective groupe est de continuer à acquérir d'autres marques dans un marché qui est encore très atomisé. Et du coup il y a un enjeu business qui est, on va dire, tombé d'en haut. Mon directeur général effectivement s'est positionné sur cet enjeu, avec la conviction personnelle que cette performance supplémentaire, cette croissance pérenne ne viendrait que si les équipes sont vraiment en posture d'être sereines dans leur quotidien. Et vraiment de se dire, voilà, je peux répondre à l'enjeu business par des briques très pragmatiques, je vais chercher de nouveaux clients, je développe de nouveaux circuits, je me lance sur de nouvelles catégories, sauf que si l'énergie de l'humain derrière n'est pas là, j'atteindrai pas les enjeux qui me sont fixés. Du coup, ce qui a été mis en place, et ça reprend la notion de déjà bien se connaître entre nous. Ce qui a été fait au départ, c'est que on a réuni pendant un séminaire de 3 jours le codir élargi que sont les 43 managers pendant 3 jours pour justement avoir le partage de cette vision, la notion de performance et de bien-être, admettons. Et qu'est-ce qu'on met derrière concrètement ? Mais qu'est-ce qu'on met ? C'est-à-dire, c'est pas moi, DG ou DRH ou membre du CODIR qui vais vous dire ce qu'on met derrière. C'est tous ensemble, déjà, les managers ont réfléchi à ça. Et on injecte ce qui correspond à notre culture, ce qui correspond à notre business, à nos métiers, c'est ce que disait Jérémy. Et déjà, il y a eu le collectif de managers qui s'est formé, des managers qui se sont connus. Alors, il faut savoir que nous, on a des effectifs qui ne sont pas tous localisés sur Lyon, donc on a des managers qui ne se voient pas forcément dans leur quotidien. Déjà, rien que ça, quand ta question était concrètement, on fait comment ? Déjà, amener les gens à se rencontrer. Alors on le sait, on a tous des agendas hyper chargés, et moi dans les premières actions que j'ai sollicitées, on me disait « ouais mais attends, on n'a pas le temps de réunir les personnes ». Alors le digital permet de trouver des raccourcis s'il faut, mais il faut déjà amener les gens à se connaître. Et déjà, avec cette communauté de managers, on a commencé nous à avancer des actions pour les collaborateurs. Et pareil, on a créé 16 rendez-vous avec les 500 collaborateurs parce qu'on voulait que les collaborateurs se rencontrent tous. Voilà. Et on est dans la notion de casser les silos, qui sont aussi un élément qui pourrissent les entreprises aujourd'hui. On est chacun enfermé dans nos frontières de métier ou de direction, avec des objectifs en plus d'entretien individuel, etc., qui nous renferment encore plus. Et amener les gens à se voir entre eux, à partager et à faire marcher l'intelligence du collectif, déjà vous lancez la dynamique. Et vous faites. Et alors après, il faut faire confiance. Parce que dans ce que tu exprimais aussi, Jérémy, c'est qu'il faut que l'entreprise soit capable de dire aussi, je prends un risque, mais de toute façon, l'entreprise, si elle ne prend pas de risque, donc il n'y a pas de raison qu'elle n'en prenne pas au niveau aussi de l'expérience collaborateur. Mais nous, on se rend compte que dans ce qu'on a mis en place, on a mis des cercles de travail collaborateurs en mouvement pour traiter des problématiques par le principe de la subsidiarité. On a refait tous nos espaces de travail sur le campus pour 200 personnes. Il n'y a rien eu qui est sorti de lunaire ou de complètement... où on pourrait se dire, non mais on n'y arrivera jamais, quoi. Ils ont demandé un truc, ils ont craqué. Voire même, les personnes, quand elles connaissent bien la culture et qu'elles ont compris ce que le DG donnait comme vision, naturellement, c'est leur intelligence qui est mobilisée. Donc du coup, c'est quelque chose qui était complètement raccord. Pour vous dire, on a refait complètement nos bureaux à la lumière de ce que les collaborateurs ont exprimé sur 2 groupes de travail. Merci. Donc du sens pour l'entreprise, du sens pour nous, du sens entre nous. Vous avez déjà aussi dans vos réponses commencé à évoquer, finalement, je parlais clé de lecture, clé de compréhension, mais aussi et surtout pistes de réflexion pratico-pratique sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi dans nos organisations, dans vos organisations. Donc au travers de vos réponses, on a déjà des premières pistes, mais j'aimerais aller plus loin. J'aimerais vous demander, et concrètement, tu disais la question que tu m'as posée, et concrètement, je ne te l'ai pas posée ce soir, mais je te l'ai tellement posée en amont. C'est vrai que ce soir, quand en introduction, je vous ai dit, notre objectif, c'est vraiment de partager des messages pratico-pratiques. Donc, je les ai harcelés de « et concrètement ». Donc, je vous la pose, là, enfin. Je vais concrètement. Prendre. Je vais prendre parce qu'on ne l'avait pas prévu, mais j'imagine que c'est parce qu'on est en avance, c'est écrit, là. Si, on l'avait prévu. Je vais donner très brièvement l'exemple d'un projet. Je l'ai déjà dit à certains qui sont dans la salle, donc j'espère qu'ils ne l'ont pas raconté en douce, mais le projet qui, pour moi, était le plus fondateur. Je ne devrais pas vous le dire, mais là aussi, ça reste entre nous. J'ai 41 ans et Quand j'en avais environ 13 de moins, j'ai travaillé sur un très gros projet. J'étais basée à Oslo, mon équipe était basée en Inde, j'avais une partie de l'équipe qui était basée en Argentine, et puis le reste de mon équipe était basée en France. Sur le papier, ça avait l'air super sexy. Dans la réalité, j'étais dans la panique permanente. Et puis, le soir, j'étais à l'hôtel toute seule. Et j'ai fait l'expérience d'un projet absolument fantastique qui a eu un impact sur toute ma performance managériale. Et quand je vous dis toute ma performance managériale, suite à ce projet, j'ai évolué dans l'organisation. J'ai pris la direction générale de la partie française et la RH au niveau Europe-Afrique. Donc, ça a bien fonctionné. En fait, j'ai joué à un jeu en ligne qui s'appelle WoW, World of Warcraft, pour ceux qui connaissent. C'est le moment où je rougis un peu. La spécificité de ce jeu, c'est que vous avez des joueurs qui ne sont pas basés aux mêmes endroits, pas sur les mêmes zones horaires, ce qui était exactement ce que je vivais de mon côté, qui n'avaient pas les mêmes drivers d'engagement, parce que dans le jeu, ils ne cherchaient pas du tout la même chose, qui n'avaient pas de lien hiérarchique entre eux, qui devaient former très rapidement les nouveaux joueurs, parce qu'une guilde est forte autant que ses joueurs les plus faibles le sont, et qui devaient collaborer, donc trouver un langage commun. Et puis également, c'est un jeu qui est un peu particulier parce qu'il est fait pour être sur la durée. Je vous dirai après combien de temps j'ai joué. Ce sera le dernier des secrets que j'avouerai ce soir. Donc, il faut maintenir les joueurs dans le jeu. Pour maintenir les joueurs dans le jeu, il y avait une manière de rythmer le jeu qui faisait que très rapidement, on passait un niveau. Ce niveau était matérialisé par l'accès à de nouvelles compétences ou bien de nouvelles attributions. Et puis, c'était signifié à l'ensemble de la guilde. Et donc, tout le monde pouvait dire « good game », GG pour ceux qui connaissent ce jeu-là. Dans la réalité, ça voulait dire qu'on rythmait les efforts. Et donc, en gros, la très grande durée de ce jeu paraissait tronquée en petits morceaux. C'était beaucoup plus réaliste et on avait des sentiments de succès beaucoup plus régulier. La réalité aussi, c'était qu'on était obligé de s'entraider parce que sinon, la guilde ne réussissait pas. La réalité aussi, c'était que j'étais toute seule. J'étais toute seule à 27 ans dans ce grand hiver norvégien. Je vous assure que la Norvège en été, c'est absolument merveilleux, mais l'hiver n'y allait pas. Enfin, pardon pour les Scandinaves. J'avais quand même une impression d'appartenance. Et à chaque fois que je me connectais, j'avais cette impression d'appartenance avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, qui n'avaient ni mon âge, ni ma culture, ni mon genre. Je pense qu'ils n'ont jamais su que j'étais réellement une fille, mais quand même. Et ça a très bien fonctionné. J'ai joué sur plusieurs années. J'ai modélisé pas mal de choses, je l'ai mis en place dans mes équipes projet, c'est-à-dire que j'avais besoin d'encourager la culture de l'erreur, par exemple, pour que l'ensemble de mon équipe dise ben, « là, on a fait une connerie, les gars, le faites pas, parce que c'est une mauvaise idée ». Et ben, on a eu un même système de niveau. À chaque fois que quelqu'un amenait une erreur qui lui avait permis d'apprendre quelque chose et qui permettait aux autres, à l'intérieur du projet, de ne pas refaire cette erreur-là, on le matérialisait par un niveau qui avait un petit cadeau ou un petit quelque chose sous les 5 niveaux. Petit à petit, on a fait beaucoup plus de choses de ce type-là. On s'est assuré aussi que notre très, très, très long projet était non pas agile, parce qu'on n'était pas du tout en agilité, mais qu'on avait quand même des petits tronçons très, très marqués. Ce que j'ai noté, moi, qui n'était pas issu d'une culture de gameuse à l'époque, qui n'était pas issu d'une culture digitale à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup à faire en termes d'apprentissage, de gestion de projet et de bien-être sur des éléments professionnels ou non professionnels qui ne sont normalement pas ceux qu'on prend en exemple. Et je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de sources d'engagement sur ces sujets-là. C'est ma dernière chose. À la fin, j'ai fait un slash played pour savoir combien de temps j'avais joué. Déjà, en fait, tu m'as perdu sur ton avant-dernier mot, mais ouais. Slash plate. Slash plate, pour savoir combien de temps j'avais joué. Et quand le chiffre s'est inscrit sur l'écran, je me suis dit, en fait, il calcule par tranche de 8 heures, sans doute, 12 heures. J'avais joué 8 mois en temps réel. Et en temps réel, ça veut dire 24 heures compte une journée. J'en suis pas fière, mais ça m'a permis nettement de modifier mes pratiques, Je pense que j'ai beaucoup appris. C'était un réel apprentissage. Est-ce qu'on peut dire que tu étais un peu désengagée dans ton entreprise ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'en plus, elle fait des conférences sur l'addiction? Ça, je pourrais. Mais je vous assure, réellement, ce sont des choses sur lesquelles j'ai beaucoup appris et sur lesquelles il faudrait qu'on travaille davantage. Mais j'ai et c'est la morale engagée, de cette histoire qui est intéressante. Ouais. C'était très long. On n'est plus en avance, du coup. Si, si. On avait tellement peur que... Peut-être pour revenir sur... Pas évident de rebondir derrière, hein. Je ne vais pas vous raconter. Moi, j'ai un peu moins d'années que toi, du coup. Non, ça, c'était pas... Attends, je te fais la transition. Donc, finalement, comment... Finalement. Et concrètement. Et concrètement. Je te la refais, je te la repose. Effectivement, tu parles de langage commun et de tenir dans la durée. Moi, je vais donner un exemple de projet autour des environnements de travail, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'en fait, c'est un sujet qui, dès lors qu'il y a un projet d'aménagement de bureau, un projet immobilier, ça touche tout le monde. En fait, ça touche toute l'entreprise. Donc, en fait, c'est un super vecteur de transformation sur lequel on peut venir expérimenter des nouvelles choses, sur lequel on peut venir expérimenter ce mode projet qui ne met pas trop en risque l'entreprise, parce que de toute façon, bon, le projet, il a une date de début, une date de fin. Quoique ça peut mettre quand même un peu en péril. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment à travers ce projet concret, il y en a d'autres, on pourrait parler de l'innovation, comment à partir de ce projet concret d'espace de travail, je peux amener les collaborateurs à collaborer différemment, les managers à transformer leur posture, à imaginer des nouveaux espaces de travail qui vont favoriser le bien-être et la performance, qui vont favoriser des nouveaux modes de collaboration, des nouvelles façons de travailler. Et la première étape, et quand on regarde un petit peu les différents succès, les projets qui marchent et les projets qui marchent moins bien, il y a encore une fois des traits communs, notamment le partage de la vision, pourquoi est-ce qu'on crée ces espaces-là, les principes directeurs. Qu'est-ce qu'on a envie que ces espaces laissent transpirer? Est-ce que c'est plus de transversalité? Est-ce que c'est un environnement moins hiérarchique? Beaucoup de collaboration. Cette première étape, elle est très importante parce qu'elle permet de toujours se rappeler pendant la durée du projet pourquoi on le fait et quand on doit prendre une décision, à quoi on se raccroche. Une fois qu'on a dit ça, c'est comment derrière on arrive à engager l'ensemble des utilisateurs. Et là, c'est super, c'est que ça touche toute l'entreprise, comment on arrive à engager l'ensemble des utilisateurs dans un principe d'intelligence collective et de co-construction, de manière à ce que ce projet-là appartienne finalement à tout le monde, et quoi de mieux que l'appartenance pour être engagé, dès lors que c'est quelque chose où on a donné de sa personne, où on a pu être consulté, on a pu participer, on a pu révéler ses besoins, être entendu, être écouté, pouvoir participer à la co-construction. Et bien derrière, c'est un vecteur d'engagement. Et ce vecteur d'engagement, on l'a vu un peu plus tôt dans nos échanges, c'est un vecteur de sens, c'est un vecteur de bien-être. Et donc je vous invite, vous qui souvent avez des projets à mener, puisque je crois que c'est un peu le sujet quand même du PMI, de se dire, OK, on a l'opportunité à travers ces projets-là d'expérimenter des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de collaborer, des jeux de pouvoir qui sont différents. Parce que dans la pyramide hiérarchique, il y a des jeux de pouvoir, des jeux d'ego. Quand on est en mode projet, on peut se permettre d'expérimenter des choses très différentes, beaucoup plus flat. On se parle beaucoup de ça en ce moment. Donc moi, j'aime beaucoup se dire que, OK, on a théorisé, on a dit ce que c'était que le bien-être, on a dit ce que c'était que les vecteurs d'engagement, mais OK, concrètement, qu'est-ce que je fais demain, moi, quand je rentre dans mon entreprise? Quand on a un fonctionnement en mode projet, on peut se mettre à l'imaginer différemment. On peut dire, OK, notre objectif, il est là, mais comment je vais à cet objectif? Et pour moi, le comment, il est aussi important que l'objectif. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'attends tes questions. Non, mais ce qui m'intéresse, une fois encore, donc on a parlé de l'environnement, on a parlé de la culture de l'erreur. On revient beaucoup sur ce sens, hein, on y tourne. Mais une fois encore, en vrai, on fait quoi en plan d'action? Demain, je retourne dans mon entreprise, donc moi, j'ai mon équipe. OK, je travaille sur le sens. Mais en vrai, je peux faire quoi aussi, concrètement? Et toi, notamment toi, chez Seb, okay. qu'est-ce que tu as mis en place? Alors déjà, je n'ai pas mis en place. Qu'est-ce que c'est tu as collectivement, aidé nous avons mis en place un modèle qui correspondait à notre culture et voilà, à notre manière d'être. Je parlerai en fait de l'accompagnement managérial et des pratiques dans un premier temps. Les pratiques managériales, évidemment, elles sont clés à prendre en considération dans toutes ces dimensions d'engagement et de bien-être, puisqu'au final, le manager, on lui en demande beaucoup. Et ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de créer vraiment cet environnement capacitant qui permet à ses équipes de se sentir bien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il vit avec des équipes qui, selon les faits générationnels, ont des attentes différentes. Et en tant que manager, je dois aujourd'hui prendre conscience que quand je vais recruter un jeune diplômé, il va peut-être me poser la question de qu'est-ce qui est mis en place dans l'entreprise pour l'accompagner en termes de parcours de formation, qu'est-ce qu'il va trouver qui va le faire grandir dans l'entreprise, et cette personne-là sera capable aussi de dire non, votre entreprise ne m'intéresse pas, ce que vous me présentez, ça ne m'inspire pas. Et aujourd'hui, le manager, il se retrouve confronté à des personnes qui aujourd'hui disent non, moi je ne vais pas aller travailler à tout prix avec un déséquilibre entre ma vie perso et ma vie pro. Donc le manager, ça veut dire que lui, il doit se transformer aussi face à ce contexte-là. Puis, il n'y a pas que l'effet générationnel, il y a tout ce qu'on vit aujourd'hui par le biais du digital. On a tous dans nos vies personnelles une liberté totale qui s'ouvre à nous, alors des fois qui est anxiogène, et on parle de droit à la déconnexion, mais déjà à titre personnel, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avant avec les applis, etc. Et quand on arrive dans l'entreprise, bizarrement, on tombe dans un côté hyper sclérosant et tout ce que je pouvais faire de manière très responsable dans ma partie perso, dès que j'arrive au travail, bizarrement, là, je ne peux plus décider pour ça, là, je ne peux plus. Du coup, je m'éloigne un peu, pardon. Mais c'est de dire, le manager, comment on passe par le manager pour apporter cette dimension de bien-être ? Et les pratiques managériales sont clés. Les pratiques managériales, ça veut dire qu'en tant que manager, je dois accepter je dois accepter l'erreur, je dois vivre avec et en profiter pour vraiment avoir cette notion que c'est un élément de progression pour l'ensemble du collectif, donc accepter que mes collaborateurs puissent se tromper et ne pas les réprimander pour ça, faire en sorte de créer un lien de confiance avec eux, vraiment d'être un manager, alors on parle de servant leader, mais d'être vraiment ce manager coach qui accompagne ses équipes. Et c'est pareil, un manager, on va pas lui demander comme ça tiens, demain, deviens coach et accompagne tes équipes, parce que tu as bien compris, en ce moment, le bien-être au travail, c'est quand même le sujet du moment, et on voudrait bien être d'accord, nous, en tant que marque employeur, et ça passe par toi, manager. Le manager, il faut l'accompagner aussi. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, pour avoir démarré la dynamique avec les managers à 40, il y a 2 ans, qu'une fois que les managers ont pris le sujet, se le sont appropriés, qu'ils l'ont relayé à leurs collaborateurs, les collaborateurs prennent le relais et se mettent en mouvement. Et le manager, lui, qu'est-ce qu'il vit ? C'est des collaborateurs qui bougent. Alors, c'est certes pas tous, mais une bonne partie. Et le manager, lui, par contre, il vit avec des processus qui, au-dessus de lui, ne bougent pas si vite, voire beaucoup moins vite. Alors, je parle de... quand on fait partie d'un grand groupe, ça peut rajouter encore une pression encore plus forte. Et on s'est rendu compte, avec ma DRH, mon DG, que les managers qu'on avait mis en posture de co-construire, d'alimenter la dynamique, ils se sont retrouvés entre les collaborateurs qui bougeaient, des processus qui, eux, bougeaient moins bien, et le manager se retrouvait bizarrement dans cette posture de mal-être, quoi. Et ça allait à l'encontre de ce qu'on voulait porter, puisque nous, la dynamique de bien-être, elle doit vraiment être aussi bien manager que collaborateur. Donc on a mis en place des moments d'accompagnement avec des managers. Les 40, coaching. En fait, se réunissent, une forme de coaching pour, encore une fois, on leur demande d'être modélisants, mais ils ont le droit aussi d'avoir des moments, des espaces de parole où ils peuvent dire, oui, mais moi, on me demande ça, mais je ne suis pas forcément sûr d'être outillé pour. D'avoir des espaces de parole entre managers pour qu'eux-mêmes partagent leur sujet du moment. C'est plus de la supervision, des groupes de supervision, où il y a vraiment un accompagnement avec des coachings. Par exemple, c'est de dire aux managers, dans cette notion de créer l'environnement capacitant, nous, organisation, on va t'accompagner. On va pas te laisser simplement dire, débrouille-toi, faut que ton équipe, elle soit bien, quoi. Alors, typiquement, un exemple très concret de ça, c'est que quand on accompagne les managers, et on peut être persuadé que si on n'accompagne pas les managers, ça ne fonctionnera pas, dans un changement culturel, par exemple, on peut avoir tendance à former les managers aux différences culturelles. On parlait de clichés tout à l'heure, mais c'est quand même bien utile parfois. Il faut arriver, je crois, à penser de manière un petit peu plus complexe, concrètement également, et donc les former à leur posture, comme tu le disais tout à l'heure, Florent, ce qui est attendu d'eux, comment ils vont pouvoir collaborer avec les autres, comment ils vont pouvoir coopérer, et comment ils vont pouvoir prendre en compte l'ensemble des différences de culture, par exemple, au sein de la société. Il y a eu une conférence du PMI, c'était ma première ici, et je l'ai trouvée très très bien, qui était justement sur le fait que les différences culturelles, parfois, sont des différences qu'il y a simplement entre bureaux, entre silos, entre services, entre départements. Très concrètement, si je devais vous dire demain commencer quelque chose, je vous dirais, est-ce que vous avez une bonne image, un bon état des lieux de vos différents départements, des différents services au sein de vos structures ou bien des différents pôles au sein de vos projets. Parce que tous les leviers d'engagement ou tous les leviers de changement que vous mettrez en place, ils vont avoir un effet positif ou pas selon cette bonne prise en compte. Ce que j'entends autre chose en termes de sens, et je te laisse la parole juste derrière, mais qui est quand même très important, c'est quand même que c'est aussi, et toi tu es rattaché au DG, porté par le haut. C'est-à-dire que, ok, il y a les, si on n'a pas cette volonté, en tout cas c'est moi ce que j'entends, hein, c'est-à-dire que, mais je vous invite fortement à me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est-à-dire que si la direction, si le management n'est pas là pour impulser, finalement, on se retrouve dans une situation de blocage. J'ouvre sur une autre question et je te... du coup... Mais la fout de la poule, en fait. Mais est-ce que tu... Alors, du coup, tu crois que ça pourrait... Mais ma question, du coup, peut être développée. De se dire, est-ce que ça peut partir des salariés eux-mêmes? Est-ce que les salariés peuvent faire la révolution? Je suis convaincu que ça peut partir des salariés. En revanche, je suis convaincu d'une chose. C'est que si le haut de la pyramide, la tête en haut, ne bouge pas, ben c'est mort. C'est mort. Si la posture des dirigeants n'incarne pas la transformation, n'incarne pas les nouveaux modes de collaboration et de travail, c'est mort. C'est mon avis personnel et c'est ce que je peux voir autour. Moi, j'aimerais me saisir du coup de... Vous avez beaucoup parlé des managers. Je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Et toi, tu nous as demandé du concret. J'ai juste une petite question. Combien d'entre vous managent des gens qui sont en télétravail? Waouh. Et combien d'entre vous managent des gens, des collaborateurs? Ok. Bon, déjà, pour certains d'entre vous, il y a une bonne chose à faire demain, c'est essayer de le mettre en place, de l'expérimenter. C'est un vrai sujet. On n'en parle pas tant que ça, quoique avec l'ordonnance Macron, je vous invite à vous y pencher. C'est un vrai sujet, un vrai révélateur aussi. On parle de confiance, mais finalement, la confiance, ça se décrète pas. Ça se vit. Et comment on peut le vivre? Le sujet du télétravail, alors là, il n'y a pas mieux pour voir un peu les relations de travail qu'il peut y avoir, pour un peu titiller les managers intermédiaires et managers de proximité. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est vecteur de bien-être et qui est vecteur de performance, puisqu'aujourd'hui, il y a de nombreuses études, je vous dirais un seul chiffre, c'est que le télétravail permet d'augmenter la productivité de plus de 20%. Donc quand on se dit bien-être et performance, on aurait pu utiliser celle-là. Je m'étais gardé dans la poche le côté télétravail. Moi, j'y suis particulièrement attaché. Je trouve que ça permet d'expérimenter justement ces nouvelles façons de travailler, que c'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de freins culturels. Et il n'y a plus aucun frein juridique lié aux accidents de travail. Ça y est, vous pouvez regarder un peu les ordonnances Macron. On peut plus se cacher derrière ça. Et c'est un vrai vecteur d'épanouissement. C'est un vrai vecteur d'épanouissement, parce que le deuxième chiffre, c'est que le taux de satisfaction du télétravail, c'est 96% côté dirigeant et côté télétravailleur. C'est-à-dire des deux côtés un petit peu des mondes du travail. Quand on voit ça, on se dit, ok, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas plus? Et j'ai vu sur LinkedIn récemment un article de FlexJob qui montrait qu'un de vos collaborateurs, en fait, finalement, est 100% télétravailleurs aujourd'hui, et vous avez poussé la démarche encore plus loin, et c'était un beau partage d'expérience par ailleurs. Mais on parle d'accompagnement, et typiquement le télétravail, c'est quelque chose qui ne peut pas, selon moi, se décréter du jour au lendemain sans accompagnement. Bien sûr. On parlait du besoin d'appartenance, tout à l'heure je vous parlais du besoin d'appartenance, qui est un de mes drivers à moi, et que j'ai nourri avec l'expérience dont je vous faisais, à laquelle je faisais référence. On sait aujourd'hui que le télétravail va bien fonctionner et va permettre à la collaboration de se faire, à ses besoins d'être nourris, s'il n'empiète pas trop sur la partie présentielle, ou bien si ce sont les préférences individuelles. Ça dépend vraiment des gens. Vous aurez des gens qui seront très heureux complètement en télétravail, d'autres non. Et il va falloir que l'organisation sache accompagner ces choix-là. On en revient du coup au besoin d'individualiser, au besoin de ne pas harmoniser toutes les pratiques, et de se dire, en l'expérimentant, y a des gens qui voudront faire un petit peu, d'autres un peu plus. Et c'est de se laisser un peu cette liberté de tester. Parce que quand on se parle de droit à l'erreur, ça veut dire qu'il faut qu'on se donne le droit de tester, d'expérimenter et de se dire ok, c'est pas grave, on s'est trompé, mais de l'erreur naît de super belles opportunités. Donc je pense que c'est... Oser. C'était une question faussement naïve quand je vous disais est-ce que la direction doit porter les managers, etc. Je dis ça parce que donc moi, j'ai à peine bébé Pimousse dans l'organisation, j'ai été manager. Et d'abord, j'ai été manager qui me limitait par rapport à l'organisation, donc pur produit de grosses structures. Ça bougeait pas en haut, donc je bougeais pas. Et plus j'ai avancé dans le temps, et plus je me suis inscrite parfois comme un peu un électron libre, alors en étant politiquement correcte, mais en osant des choses en tant que salarié, en tant que manager, dans une organisation qui parfois est très structurée. Alors, j'ai pu rencontrer des managers ouverts, mais parfois des managers relativement fermés. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que, et ça a déjà été évoqué, c'est chacun qui peut changer son quotidien, le quotidien de ses équipes. Alors, quand je parle de politiquement correct, évidemment, quand on fait le choix d'appartenir à une grosse structure, il y a des questions de respect, il y a des questions de respect des autres, de respect des consignes. On est obligé, c'est comme ça, ça marche comme ça. Par contre, je pense que la technique des petits pas et chacun contribuer à ce bien-être à hauteur de ce qu'on peut faire, pour moi, c'est important. On a évoqué cette table ronde il y a 8 mois parce que c'est un sujet qui m'anime particulièrement malgré des organisations parfois, une fois encore, un peu, j'allais dire sclérosantes, ça va, mes chefs sont pas là. Et encore, mon chef direct, et j'ai la chance, très ouvert à ce sujet-là. Mais voilà, dans des grosses structures, on est parfois amené à être ralenti, mais nous pouvons tous faire un petit peu. Un petit peu tenter des choses. Cet après-midi, moi j'étais en off-site toute la journée avec mon équipe. Cet après-midi, j'ai tenté, je ne sais pas s'il est là, j'ai un de mes collègues du PMI qui m'a parlé du speedboat. Donc je l'ai tenté remasteriser, mais en fait c'était un tout petit atelier. Mais c'est un tout petit atelier où on a mis du sens pour nous, dans notre organisation, on a partagé des choses, où on s'est mis en mouvement. Et moi je suis intimement convaincue que ce n'était pas grand-chose. Mais ça contribue à mon bien-être. À mon bien-être avec mon équipe et je pense que c'est important. Donc voilà, juste la technique des petits pas, même si, question faussement naïve, si ça ne suit pas en haut, on peut tous faire un peu quelque chose. J'aimerais terminer par une question, une fois encore un petit peu provocatrice. Pourquoi, si on ne fait rien, ça peut devenir dangereux pour l'organisation ? Alors, vous nous voyez sourire pour cette, pour cette question, parce qu'on l'a débattue jusque tout à l'heure, à l'instant. D'une manière générale, je pense qu'on a tort. Je pense qu'on se trompe quand on recrute un seul type de personne. Je pense que les entreprises qui recrutent des personnes avec un seul type de diplôme, ou une seule type d'école, ou un seul type de genre, ou un seul type de provenance, ou un seul type de personnalité, sont des entreprises qui ne vont pas durer. Et je le dis en ayant fortement conscience de ma propre responsabilité, puisque je vous parlais de mon expérience en tant que DRH et DG, je sais que malgré ma volonté sur ce sujet-là, j'ai sans doute fait perdurer moi aussi des critères de ce choix. Mais je ne sais pas si le monde est volatile, incertain, changeant et ambigu. Ce que je sais, c'est qu'on a une multitude d'indicateurs, on a beaucoup d'informations maintenant. On a beaucoup d'informations qui arrivent très rapidement. C'est très, très compliqué de les comprendre, c'est très compliqué de leur donner un sens, et c'est très compliqué de se mettre en marche de manœuvre avec leur complexité. Pour se mettre en marche de manœuvre avec leur complexité, il faut des personnalités diverses. Pour que ces personnalités et ces personnes soient diverses, il faut que les systèmes et les organisations leur permettent de s'épanouir et leur permettent de performer comme elles le peuvent. Donc pour moi, en gros, si on ne se saisit pas de cette question du bien-être, d'abord parce qu'on travaille suffisamment longtemps pour se saisir de la question du bien-être, quand même, en soi, au-delà de ça, je pense qu'il en va quand même de la survie des entreprises. Je crois que je ne vais pas te contredire. moi, il y a 2 points importants. Le premier, c'est l'innovation. Effectivement, on est dans un monde économique qui va quand même de plus en plus vite. Il y a un vrai phénomène d'accélération. Et de se dire, en fait, qui innove dans l'entreprise ? Ceux qui innovent, c'est finalement Alors, il y a des entreprises qui créent des cellules d'innovation, il y a des entreprises qui créent une bulle ou qui est réservée. Finalement, ce sont ces gens-là qui innovent. Moi, je crois que l'innovation, elle appartient à tous les collaborateurs. Mais si on veut réellement que cette innovation, elle soit durable et qu'elle permette à l'entreprise de se renouveler, qu'elle permette à l'entreprise de gagner des nouveaux marchés, il faut que l'innovation, elle appartienne à tous les collaborateurs. Et pour que ça marche, il faut qu'ils soient engagés. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait une confiance, qu'il y ait une rétribution de cet engagement et qu'il y en ait une valorisation. Et trop souvent, nous, on nous sollicite en nous disant « mais on ne comprend pas, l'innovation, ça ne marche pas, on n'arrive pas à innover ». Et en fait, très rapidement, on se rend compte que parce qu'ils veulent créer une petite cellule quelque part, ils ne veulent pas donner finalement aux collaborateurs la possibilité de pouvoir le faire. L'entreprise qui ne sait plus innover meurt. Donc il y a un vrai enjeu de comment est-ce qu'on engage les collaborateurs à le faire. Et ensuite, bon, il y a un deuxième point qui est très important, c'est finalement comment est-ce qu'on attire demain les talents, les meilleurs talents. Comment on les attire, comment on les garde chez nous, comment on les fidélise quand on voit qu'il y a 9% de personnes qui sont réellement engagées. Je crois qu'il y a un phénomène générationnel, alors j'aime pas non plus les clichés, mais en tout cas il y a une génération qui peut-être ose encore plus. Moi j'ai 30 ans, j'en suis déjà à mon quatrième métier, et je vois autour de moi que je suis pas le seul. Ma conclusion sera cette stat qui est une stat qui m'a donné envie de créer FlexJob il y a un peu plus de 2 ans et demi. Plus d'un cadre sur deux a quitté son précédent employeur par manque de flexibilité. Alors, moi, j'ai pas de chiffres, mais du coup, moi, j'ai une citation qui me plaît bien d'Edgar Morin, qui dit tout simplement que tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, les organisations, elles doivent faire face à un virage qui se présente à elles. Alors, comme dans tout virage, on peut décider au final de continuer à aller tout droit, parce qu'au final, si on a plusieurs années d'existence et qu'on a vécu des transformations par le passé, que ce soit technologique ou autre, on a pu passer à travers peut-être en changeant pas tant que ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur un sujet qui est profondément lié à l'humain et du coup, qui est difficilement appréhendable par tout le monde aussi. Hein, c'est ce qui rend le sujet compliqué à aborder selon les contextes, parce que souvent, on a le droit au côté un peu bisounours qui ressort à un moment avec le petit sourire en disant... Néanmoins, c'est se voiler une réalité, donc on peut se voiler la face. Le vrai risque pour moi, c'est qu'à un moment, effectivement, il y a des entreprises qui arrivent au bout de leur modèle. Tu parlais d'expérience collaborateur au départ. Moi, effectivement, dans mon parcours personnel, j'étais orienté expérience consommateur et je crois beaucoup à la symétrie des attentions. Je pense qu'une entreprise, demain, continuera à exister, à être performante si elle porte autant d'attention à ses collaborateurs qu'à ses consommateurs. Et quand j'entends consommateur, c'est le consommateur final, vous, dans vos foyers, comme ça peut être le client distributeur, si on est en B2B, etc. Mais vraiment, et je pense même que demain, en posture de consommateur, et peut-être c'est le cas pour vous, quand vous choisissez un produit ou une marque, vous êtes aussi vigilant et attentif à ce qu'elle reflète aussi pour de l'intérieur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut acheter un produit sur Amazon parce qu'il a 5 étoiles et on se dit, bah, les autres qui l'ont acheté sont contents. Je pense que demain, on sera capable aussi d'aller regarder l'image de l'entreprise de l'intérieur. Et peut-être que le produit, il a 5 étoiles sur Amazon. Par contre, il a 2 étoiles quand je me passe du point de vue collaborateur. Alors voilà, c'est peut-être une vision idéalisée, mais moi j'y crois. Je pense que les entreprises qui ne veulent pas s'approprier ce sujet-là, forcément auront affaire à un moment de vraies difficultés. Après, il faut savoir le prendre, et c'est tout ce qu'on a évoqué jusqu'avant. Ça veut dire que c'est pas le... faut le faire de manière authentique. Faut le faire avec ses collaborateurs. C'est pour ça que la meilleure matière des entreprises pour ça, c'est l'ensemble du collectif qu'ils ont formé. Donc la solution, ils l'ont, de toute manière. Merci pour vos réponses. Donc on aura entendu sens, on aura entendu co-construction, on aura entendu collaboration. Pas mal, finalement, de billes ce soir pour vous, je l'espère, nous l'espérons. La notion de bien-être, la notion de bien-être et performance, aujourd'hui, est un sujet d'actualité. Les entreprises ne peuvent plus faire fi de la notion de bien-être au travail, que ce soit pour attirer, retenir les talents, augmenter sa productivité, finalement, au quotidien. Ce soir, vous avez 4 personnes intimement convaincues face à vous. Nous avons fait le choix de laisser beaucoup de temps aux questions, donc on a 30 minutes devant nous pour prendre et recueillir vos questions. La première est toujours la plus difficile, mais je suis sûre que ce sujet suscite votre intérêt. Je vais prendre les micros sans fil. On vous a déjà apporté toutes les clés de lecture, de compréhension, de pistes d'action, pas de contradiction. Ah. Bonsoir. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir. Bon, je lance le débat par une question peut-être pour Florent, plus. Par rapport à votre expérience, combien de temps ça prend de changer un mindset comme ça d'entreprise ? Avec un recul de 2 ans, je peux déjà vous dire que 2 ans ne suffisent pas. Qu'on est sur quelque chose de permanent, de perpétuel, qu'il faut savoir donner l'impulsion au départ, mais une fois que l'impulsion elle est donnée, il faut assurer qu'elle vive dans le temps. Ça veut dire que voilà, une organisation vit avec des nouveaux collaborateurs qui arrivent, donc ça veut dire que ces nouveaux collaborateurs, quand on les accueille, ils doivent prendre conscience aussi de cette dynamique de transformation qui a été portée, d'où elle vient, pourquoi on l'a fait émerger à tel moment, qui comprennent, enfin déjà l'intégration en tant que telle, c'est déjà un vrai élément clé dans une démarche de bien-être aussi, hein, qui manque souvent dans les boîtes. Hein. C'est déjà, moi j'ai vécu à titre personnel, puis on le vit encore aujourd'hui, le collaborateur arrive, il n'y a même pas encore son ordinateur qui a été livré par l'IT. Quoi. Donc, et je ne jette pas la pierre sur l'IT, hein. Je dis juste qu'aujourd'hui on a des fondamentaux à retravailler dans les entreprises, donc déjà ces éléments hyper pratico-pratiques, si on se re-questionne en disant moi à titre personnel j'arriverai dans un endroit où j'ai un carton sur mon bureau, je peux comprendre qu'il y a une effervescence en permanence, que les gens sont sous l'eau, etc. Mais au bout d'un moment, il y a quand même des fondamentaux qu'on ne doit pas oublier, quel qu'on soit. Après, oui, c'est un travail de longue haleine, donc il faut garder le contact avec les collaborateurs. Nous, on fait des points trimestriels pour avoir des moments d'échange avec eux. On a 500 collaborateurs et encore une fois, ils sont tous répartis sur différents lieux en France. Et on aurait pu se dire, ouais, mais si on veut réunir à chaque fois les personnes, c'est trop compliqué. Ben, on a fait le choix de ne pas les réunir. Il faut aussi retourner à de la simplicité aussi. Dans les organisations, on a eu trop l'habitude de vouloir être parfait, de vouloir avoir le mouton à 5 pattes. Et non, il faut revenir vers de la simplicité. Et tous ces éléments de simplicité qu'on distille au fil du temps permettent, je pense, de tenir la dynamique. La question qu'on a aujourd'hui, effectivement, c'est de se dire, nous, dans notre jargon interne, on parlait d'ambition et pas de projet, parce que justement, la notion de projet est très timée et elle est phasée. On va dire, tiens, j'ai la brique 1, j'ai la brique 2, j'ai la brique 3. Nous, quand on a lancé la démarche, on a dit, on n'a pas de notion de temps. Ça aussi, c'est perturbant pour des collaborateurs d'entendre un DG qui dit, on va lancer une dynamique, on va partir dans une aventure. Tu parlais du speedboat tout à l'heure qui est matérialisé par une île. Ben là, c'est pareil, on va partir vers une île. On ne sait pas combien de temps on va mettre, on ne sait pas quel type de vague on aura, quel type de vent porteur. Est-ce qu'il fera beau, pas beau ? On va vivre. Voilà. Mais ce qui est sûr derrière, c'est qu'il faut quand même cette notion de on garde les gens embarqués. Donc ça, moi, c'est notamment mon rôle. Au début, mon DG ne voulait pas de pilote, hein, de responsable de la transformation. Et je le rejoins sur le fait que c'est le collectif qui doit faire vivre la dynamique, c'est évident. Mais il faut quand même, surtout dans des grosses organisations, je pense, où on sait tous qu'on se fait rattraper par le day-to-day, les équipes qui vivent. Et puis ce qu'on a lancé il y a 6 mois, ouais, mais tu sais, c'était il y a 6 mois. Non, il faut à un moment se dire sur des sujets comme ceux-là qui ont trait à l'humain, on ne peut pas mentir aux gens. Quoi. On ne peut pas leur dire, ouais, mais tu sais, c'était il y a 6 mois, c'était pas le même codir. Non, les gens, ils ont attendu à un moment quelque chose, eux ne bougent pas tous les 6 mois ou tous les 2 ans, donc ils vivent avec des messages qu'on leur a passés. Donc il faut communiquer, il faut garder le lien, que ce soit avec les managers, les entendre, les comprendre et rythmer. Quoi. Je dirais, pas porter le sujet à un moment en disant, allez, c'est à vous, et puis on verra comment ça vit. Dans l'atelier speedboat, il y a le bateau, et dans le bateau, il y a forcément quelqu'un à un moment qui tient la barre. Et ça peut être plusieurs personnes, mais je pense qu'il y a quand même une notion de... Moi, mon job, c'est que tous les matins, en franchissant la porte, je me dise ce qu'on a porté comme message, ou ce qu'on veut porter comme message, est-ce qu'on sera raccord, quoi ? Est-ce que l'organisation sera au rendez-vous ? Et mon rôle, c'est de voir ça. Alors souvent, on dit que j'ai le temps, parce que du coup, je vais taper à beaucoup de portes pour faire en sorte que ça soit possible. Mais je pense que c'est important de... En tout cas, l'enseignement qu'on retire, et c'est pas pour me faire de la pub, c'est que cette notion d'avoir quelqu'un quand même qui fait un peu la conscience joue un rôle. Qui est in charge, pas avoir ça de plus sur la to-do list. Quoi. Ah oui, et puis c'est pas... Oui, je m'appuie sur un directeur logistique parce qu'il a une appétence peut-être sur le sujet et qu'il le prend en plus de son job. Mmh. Parce qu'on sait qu'au bout de 3-4 mois, ce qui va le rattraper, c'est ce qu'il a dans son EA et ses enjeux du quotidien. Et c'est pas, même s'il y a une dynamique inspirante, qu'il le porte personnellement et on sait sur quoi il va se retourner. Donc oui, c'est pas le on-top. C'est pas je te mets ça parce que t'aimes ça personnellement. Mmh. Ça permet d'incarner le message aussi. De dire à un moment donné, on se donne les moyens de notre ambition. Il y a une question tout là-haut. Où ? Ah, allez-y. Oui, vous venez de répondre en partie à ma question, mais vous avez dit qu'il était important et nécessaire que le haut de la pyramide soit impliqué. Est-ce que vous avez d'autres conseils, à part d'avoir une fonction dédiée comme la vôtre, Monsieur Marshall, pour faire bouger le haut de la pyramide? Alors, au début, moi, j'étais dans la posture « je veux faire bouger le haut de la pyramide », parce que vous imaginez bien qu'au-dessus de mon DG, il y a encore plein d'autres échelons. Hein, donc, ce n'est pas le dernier maillon dans l'organisation. Néanmoins, ne serait-ce que cet exemple-là, pour lui, dans son entité de 500, sur un groupe qui en compte 30 000, eh ben, il a décidé de porter pour lui, et parce que c'était important pour ses valeurs et important pour les enjeux de l'entreprise, de dire « on y va ». Et il n'a pas attendu l'aval de son N plus 1 et de son N plus 2. Donc, l'impulsion de la hiérarchie, elle est importante, mais pour moi, elle ne fait pas tout, parce qu'on peut décider, encore une fois, pour soi, de quand même se rendre acteur. Il y a plein de leviers qu'on peut agir. Et moi, j'étais vachement au départ dans la notion « mais il faut convaincre ceux qui pourraient être réfractaires ou qui douteraient du sujet ». Et en fait, quand on fait ça, on s'épuise, parce qu'on va vouloir agir sur des leviers dont on n'a pas la main. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller agir où on peut. Et à la limite, si on fait office à un moment d'exemple et qu'on infuse et qu'on fait tache d'huile, eh ben, en fait, on se rend compte que finalement, ceux qui pouvaient être sceptiques, on va les convaincre non pas par une argumentation qui peut être chiffrée, qui peut être des citations, qui peut être ce qu'on fait là en ce moment. Non, c'est agir. Et si on montre qu'au final, on agit et que ça apporte des résultats, bah, les personnes qui pourraient être sceptiques vont se lancer aussi sur le sujet. Je prends le micro là typiquement pour répondre à votre question et puis aussi pour parler de révolution tout à l'heure. Moi, j'ai vu des services faire ça, des filiales faire ça, c'est-à-dire qu'on leur demandait une augmentation de... On pourrait imaginer n'importe quel chiffre ici, hein, mais disons une augmentation de chiffre de 10% alors qu'ils étaient déjà exsangues et qu'ils avaient bien des difficultés. Le retour qui est revenu, il y a une sorte de silence quand on leur a dit ça. Et puis le retour qui est revenu, c'est que OK, mais par contre, on va tout changer et vous nous donnez les clés. C'est on s'engage sur ce 10% qu'on n'estime pas possible aujourd'hui. En revanche, on ne fonctionnera pas comme le reste du groupe et on va retravailler toute l'organisation. Et en ce sens, en fait, le changement est vraiment venu du socle, est vraiment venu des gens. Il n'a pas du tout été impulsé par la direction. Le directeur, en l'occurrence, ce n'était pas quelqu'un qui était très sensible à ce sujet-là. Et lui, sa réponse a été de dire « vous faites bien comme vous le voulez, j'accepte la totalité de ces choses », en sachant qu'il lâchait un petit peu de contrôle quand même. Mais moi, je veux ces 10%. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ils ne sont pas arrivés à 10%, mais ils sont arrivés à 8% alors qu'on pariait tous sur 2. Résultat, ils ont conservé leur fonctionnement et leurs initiatives sont en train de faire des émules au sein du groupe. Voilà. Donc, on en revient à la notion de oser. Voilà. Ce n'est pas nécessairement très positif, mais pour dire que ça arrive comme ça parfois également. Parce que concrètement, si ça ne marche pas, à la fin, on est tous d'accord que le responsable saute, quoi. Non, mais on est d'accord. Le responsable peut sauter, mais par contre, il y a certaines bonnes habitudes qui restent. Non, mais moi, je suis intimement convaincue que quand on ose, ça marche. Et puis, ça crée aussi une dynamique, une émulation. Mais c'est-à-dire oser prendre des risques. Voilà, on a parlé aussi de responsabilisation durant la table ronde. Et je pense qu'il y a ça, c'est se responsabiliser, d'aller au bout de la démarche, pas simplement dire... voilà, des initiatives de bien-être au travail, on en lance un peu dans toutes les entreprises, des jolis plans d'action, mais on ne peut pas tout attendre du haut. Alors effectivement, c'est important, mais nous déjà, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Bonsoir, merci pour ce débat qui est très très très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais j'ai bien entendu, il y a des notions comme oser, il y a la diversité dans le recrutement qu'il faut favoriser, il y a ne pas se renier aux dépens de l'entreprise, mais moi, par l'expérience personnel, je trouve qu'il y a un mot qu'il faudrait peut-être remettre dans le débat, c'est le déni. J'ai l'impression que dans nos organisations actuelles, il y a un déni de la notion du client interne, donc qui va être le collaborateur, qu'au détriment du client consommateur. C'est-à-dire que je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je pense que pour moi, le consommateur final doit être mis dans l'organisation comme le client interne qui va être le collaborateur qui qui va travailler dans différents services pour justement maintenir cette notion de performance dans la durée. Et il y a aussi cette notion d'erreur que vous avez beaucoup parlé, qu'aujourd'hui on trouve que les managers apparemment ils sont de plus en plus façonnés à dire qu'il n'y a pas droit d'erreur, alors que c'est communément, comme on dit, c'est celui qui se trompe pas, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Est-ce que vraiment on ne peut pas mettre la notion de déni d'une manière générale dans nos organisations actuelles? On va peut-être se partager la réponse sur ce sujet. D'une manière très simple, moi je pense que dans le PMP, autant que dans les normes, pour ceux qui travaillent dans des entreprises normées, on parle d'autant plus maintenant de parties prenantes. On met les parties prenantes au centre. Les parties prenantes, bien sûr, ce sont également les employés et les collaborateurs, et même principalement, on a pas mal de citations sur LinkedIn. Moi, je déteste les citations sur LinkedIn, mais on en a quand même pas mal qui sont du type un salarié heureux, c'est un client heureux, etc., etc. Sans aller jusque ce genre de choses. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on ait une conscience plus précise et plus intelligente de qui sont nos parties prenantes. Pour la partie déni, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre sur le sujet. Dans tous les cas, on n'est pas ni les uns ni les autres. On n'est pas naïfs hein, sur ces sujets-là. On se rend bien compte que parfois, on part de très loin et que les petits pas, c'est également ce qu'il faut faire à tous les niveaux de l'entreprise. Hein. Puis après, déni, c'est pareil, on parlait de généralisation. Tout n'est pas perdu tout le temps, surtout. Alors, j'en suis à trois gros groupes. On a des tendances du moment. Donc, client interne, à un moment donné, c'est la tendance. Après, on ne parle plus de client interne. Je pense que voilà, c'est difficile de généraliser et faut regarder le verre à moitié plein, regarder le verre à moitié vide. Il faut déjà regarder. Il y a toujours un angle d'attaque. L'idée, c'est déjà de bien observer et de tenter. Puis de tenter, après, avec quand je parlais de respect, tenter, c'est pas arriver en voulant faire la révolution. J'ai plein de fois envie de me révolter sur des choses, et par contre, ce que j'ai souvent en tête, c'est de me dire, ok, quel résultat tu veux obtenir ? C'est quoi l'impact de ton action ? Si tu fais ça, tu vas obtenir quoi ? Alors, t'essayes un petit peu, comme les enfants, on essaye un petit peu. Et puis des fois, ça marche. Donc on essaye le truc un peu plus loin. Et puis, je pense aussi que c'est peut-être le fait d'être convaincu, passionné, mais faut y retourner. C'est pas parce que c'était non aujourd'hui que ça sera non demain. Toujours avec beaucoup de, une fois encore, de respect, j'y remets parce que je suis très attentive à la forme, mais voilà, la persévérance et la technique des petits pas. Je suis partiellement d'accord, du coup on va faire un peu de débat, mais je ne suis pas hyper à l'aise avec le fait de tout le temps se dire qu'il faut oser, il faut tenter des petites choses. Je crois qu'à un moment, une bonne rupture, ça ferait du bien. Je ne suis pas certain qu'à force d'oser, de faire des petites choses, dans la durée, ça soit bénéfique. Je crois qu'à un moment, il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait un virage qui soit opéré. Et je comprends tout à fait ce que vous dites en termes de déni. On se cache des choses. Tout à l'heure, j'ai essayé de vous parler de la dimension objective du travail qui aujourd'hui drive concrètement ce qui se passe dans les entreprises. Mais si on tire un peu la pelote pour comprendre ce qui se passe derrière, en fait, c'est qu'il y a des actionnaires au-dessus qui, eux, veulent du retour sur investissement, qui, eux, veulent très vite avoir du retour sur ce qu'ils ont investi dans l'entreprise. Donc, eux, la partie subjective du travail, la partie collective, les objectifs, vous m'avez promis ça, on y va. Et vous débrouillez, en fait. Hein. Et donc, moi, je suis OK, osons, faisons des petites choses. Sauf que si on ne repense pas un moment le système dans sa profondeur, et s'il n'y a pas un moment des dirigeants éclairés qui prennent des risques et qui se disent « Ok, moi, entité de 500 personnes, allez, j'y vais, je prends un risque. » Et ben c'est très compliqué parce que pour les gens, c'est beaucoup de déception. On tente de faire des choses dans son coin et puis je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Hein. Je dis que si on veut s'inscrire dans la durée, il y a un moment où il faut voir les choses peut-être sous un autre angle. Alors, je suis partiellement d'accord avec toi. Je suis partiellement d'accord avec toi parce que pour pouvoir aller, faire une rupture, bah, faut pouvoir se le permettre. Parce que des fois, c'est prendre des gros risques et on ne peut pas toujours, à notre petit niveau de l'organisation, se dire bah, « tiens, je prends le risque de... » Je prends le risque de d'être au placard, je prends le risque de me faire licencier, je prends le risque de... Tu vois, il y a ça aussi qui se cache derrière. Donc quand je suis partiellement d'accord, pourquoi ? Parce que je suis intimement convaincue que tu as raison, qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une rupture. Mais tout le monde, à tous les niveaux de l'organisation, ne peuvent pas toujours se le permettre. Enfin, moi, c'est ma limite en termes de point de vue. Je suis OK, on va peut-être passer à d'autres questions, mais c'est une rupture que... qui se fait quand même sur des temps assez longs. Pour rebondir sur votre question, combien de temps ça prend ? Hier, j'ai eu la chance d'avoir Alain Diribarne, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, qui est chercheur au CNRS, qui disait « moins de 10 ans, ce n'est pas possible ». Ah bon, oui. Ok, bon, merci Alain. On va aller définir du coup la notion de rupture. Une autre question ? Oui, bon, bonsoir. Michel, groupe Volvo. J'avais une question par rapport à ces entreprises qui se sont transformées. Je pense que ça prend déjà pas mal de temps pour se transformer. Hein, ça prend plusieurs années. Comment évolue l'organisation au bout de ces quelques années d'une entreprise qui s'est transformée par rapport à une entreprise qui ne s'est pas transformée ? Ça va dépendre du type de transformation. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle à appliquer. C'est la même chose. Hein. Il y a autant de transformations qu'il y a de nécessités. Vous voulez préciser un petit peu le type de transformation ? Bah, une entreprise où manifestement le bien-être des salariés est au centre des préoccupations managériales. Mm-hmm. Donc au bout d'un certain temps, nécessairement, les gens ne sont plus les mêmes. Mm-hmm. Donc comment ça réagit sur l'organisation, les dirigeants, les managers ? Alors, je vais vous donner un exemple très court et puis je passerai peut-être le micro à Jérémy qui doit avoir des expériences assez variées sur le sujet. De mon côté, je vérifie ce que je vais dire, mais ce n'est pas grave. J'ai pris la direction d'une société qui avait été longtemps managée par quelqu'un qui était mon mentor, hein, donc un homme merveilleux, mais qui avait un fonctionnement assez patriarcal. Et qui du coup avait un codir qui était très peu présent. Il prenait les décisions, en plus il était admirable, donc admiré. On avait tendance à se mettre derrière lui. Et puis, résultat, il travaillait nuit et jour en permanence. Et puis parfois, il prenait des décisions qui n'étaient peut-être pas les meilleures décisions. J'ai pris la suite de cette personne-là, en sachant que c'était assez difficile, en me disant que moi j'avais une seule possibilité, parce que je ne me sentais pas aussi brillante qu'il l'avait été, j'avais une seule possibilité de réussite, c'était de m'assurer que le CODIR et toute l'organisation partageaient le travail. Partager le travail, ça voulait dire aussi que moi, il fallait que je sois prête à partager l'autorité et la responsabilité. À l'issue de 2 ans, on parlait de combien de temps ? À l'issue de 2 ans, je suis partie en vacances. J'étais partie quelques jours en vacances entre-temps. Ça avait été très compliqué. À l'issue de 2 ans, j'ai pu partir. On ne m'a pas appelée une seule fois. Il y a des décisions qui ont été prises, des reportings qui ont été demandés, qui ont été faits, qui ont été renvoyés, des crises clients qui ont été passées, des choses qui ont été maintenues. Et je me suis dit qu'on était dans le début de la transformation. Parce que chacun était à son poste, chacun avait sa partie responsabilité, sa partie autonomie, sa partie engagement, sa partie c'est ma boîte. Mais également, chacun était capable de prendre en compte le projet commun. Qui fait que souvent c'est le seul DG ou la seule DG qui est un petit peu là et qui fait que bon, oui, chacun est dans son silo, mais quand il y a quelque chose, et puis c'est très valorisant, hein, je vous le dis, c'était pas toujours confortable pour ma part de donner autant de pouvoir aux gens. Mais ça ressemblait à ça au bout de 2 ans. Ça ressemblait au fait que les gens étaient capables de prendre des décisions dans le sens du projet commun, même si ça desservait leur silo. Et je pense que quand on arrive à ça, on a déjà un bon élément de transformation. Juste concrètement aussi pour dire, nous, la façon dont on a appréhendé ce que vous reflétez, c'est que nous, on porte souvent la dimension, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on a cette vision partagée et on se dit tous qu'on est co-responsable de cette dynamique. Et qu'à partir de là, la co-responsabilité fait que, bah voilà, moi, je disais dans les préparations, et je ne l'ai pas dit, ça ne va pas plaire à Marine, mais je disais, moi, je peux être un facteur de mal-être au final auprès d'équipe parce que dans ma posture, même si je ne veux pas le faire méchamment, je vais amener une dimension d'envoyer des mails quand il ne faut pas, tard le soir, etc. Si moi, en tant qu'individu, ça me va, ok, mais ce n'est pas pour autant que la personne qui va recevoir le mail l'est aussi. Donc je dois me remettre à chaque fois en posture de qu'est-ce que je vais provoquer moi dans ma manière d'être, dans ma posture. Et cette notion de co-responsabilité, on l'a portée aussi en disant les pratiques managériales, elles ne sont pas propres que pour les managers. On a dit on veut que les 500 collaborateurs de la structure elles aient la notion de bienveillance, de faire un feedback, c'est-à-dire qu'entre collègues on doit être capable de dire les choses avec bienveillance, on doit être responsabilisé. Et en fait, on est dans une relation aussi adulte-adulte, c'est-à-dire que l'organisation, et j'en reviens à la notion de lien de subordination, qui donne vachement, une dimension de soumission de parents-enfants, on rééquilibre les choses. Le fait d'avoir donné et libéré la parole chez nos collaborateurs n'amène pas une chienlit permanente où chacun donne son point de vue. D'ailleurs, de toute façon, c'est déjà le cas dans les organisations. Hein. Tout le monde, des fois, donne son point de vue parce qu'il y a l'ego. Donc, de toute manière, mais voilà, il n'y a pas cette notion de nuisance en permanence. Au contraire, les gens, comme ils ont conscience que leur parole est prise en compte et d'être entendue, ils l'utilisent. Enfin voilà, ils disent les choses à bon escient et ça nous fait, à mon avis, beaucoup plus progresser que ce qu'on connaissait auparavant, où au final tout n'était pas dit. C'était au coin de la machine à café que j'allais raconter tout ce qui n'allait pas. D'ailleurs, je passais beaucoup de temps à expliquer tout ce qui n'allait pas. Du coup, j'étais forcément mal pour moi et en plus mal pour la boîte, parce que ça veut dire que le temps que je ressasse les problématiques, il n'y a rien qui se passe. Donc aujourd'hui, non, on détecte beaucoup plus tôt les problèmes parce que les personnes n'ont pas peur d'aller exprimer des situations de difficulté. Et grâce à ça, on gagne du temps et on gagne de l'agilité. Et ensuite, on amène de l'innovation parce que du coup, les personnes, au lieu de s'enfermer dans des postures de « je tourne en rond et je ressasse et je rumine », eh ben non, je vais voir mon manager parce que je sais qu'il a cette écoute et cette oreille. C'est les pratiques managériales qu'on porte. On a fait un modèle, ça s'appelle les sébogrammes, pour s'assurer aussi que par des symboliques, tout le monde comprenne de quoi il s'agisse. Et comme ça a été élaboré par les managers, ça donne aussi une coloration encore plus forte parce que les collaborateurs se disent c'est les managers qui ont créé ça. Ce n'est pas venu par un cabinet, ça n'a pas été planté par une direction qu'on ne connaît pas. C'est nos managers. Donc ils y adhèrent. Et cette parole, elle permet à l'entreprise d'avancer beaucoup plus qu'aujourd'hui si on fait tous taire. Et j'ajoute, je ne voudrais pas léser les personnes qui veulent poser des questions qui sont au premier rang, mais j'ajoute que en termes de à quoi ça ressemble cette organisation, ça ressemble aussi au fait qu'on a dépassé un tout petit peu la phase test and learn. On est toujours dans le test and learn, on est toujours beaucoup dans la créativité. En revanche, on a quand même des règles. Et très souvent, les gens pensent qu'une entreprise très autonomisante, c'est une entreprise où il n'y a pas de règles. Et j'ai eu des discussions très, très intéressantes avec toi, Jérémy, sur ce sujet, pour dire que ce n'était pas le cas. Par exemple, une entreprise qui laisse les conflits se gérer tout seul entre les gens parce qu'il n'y a pas de procédure. En général, il n'y a pas de procédure dans nos boîtes. Hein. Elles sont super régentées, elles sont super procédurielles. Mais si vous vous disputez et que vous ne pouvez plus voir Béatrice de la Compta, vous vous débrouillez entre vous, quoi. Dans les entreprises autonomisantes, et pour moi, les entreprises autonomisantes travaillent au bien-être, typiquement, ce sont des choses pour lesquelles il y a des procédures. Et souvent, les gens se trompent en pensant que plus on va sur ce côté bien-être, bien-être, bien-être, plus on est dans le bisounours, plus on est dans le fluffy. Moi, on a souvent essayé de me dire que c'est un management un peu féminin. En général, c'était le moment où... Ouh, j'avais des petits trucs comme ça, là. Là aussi, l'expérience de jeu vidéo en ligne vous aide beaucoup. Dans tous les cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est le contraire, en fait. Il y a un moment où on quitte un petit peu les processus et les procédures qui sont sclérosants, mais on retrouve des procédures pour tout ce qui va faciliter les fonctionnements transversaux, la fluidité de la collaboration, la fluidité des informations et la totalité de ces choses-là. Tu veux rajouter quelque chose ? C'est le cadre qui permet de rendre autonome, en fait. Dès lors que vous n'avez pas un cadre dans lequel vous pouvez exprimer votre autonomie, ça ne fonctionne pas. Et donc, ces entreprises-là ont créé un processus de gestion des conflits, un processus de sollicitation d'avis. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui permettent justement d'être sur des relations sereines et apaisées, de se dire les choses. Et c'est surtout des entreprises qui sont... On parle de raison d'être évolutive, en fait, qui ne sont pas un point d'arrêt, qui sont sans cesse en train de se questionner, d'avancer. Et ce n'est pas quelque chose qui est figé à un instant donné. J'aime beaucoup cette notion de se dire que le projet que Florent, porte, mais dans lequel il se trouve, sont plutôt définis par une ambition qu'un projet. Et je trouve que c'est très révélateur. On prend conscience qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver, puis en fait, on s'en fout de quand est-ce qu'on va y arriver. C'est comment on y va qui est important. On avait des questions devant. Il y en a là aussi. Oui, il y a bataille. Allez-y, allez-y. Bon, rassurez-vous, le cocktail est aussi là pour ça ensuite, hein, donc vous pourrez nous retrouver. Vas-y, alors, Olivier. Olivier Schmitt, bonsoir. D'abord, j'ai bu vos paroles, c'était extrêmement intéressant, je vous remercie. J'ai eu un flash au début qui a continué pendant toute la durée de votre présentation. En fait, quand vous avez la première image en disant, le premier slide, c'était « je mets pas un baby-foot et les gens sont heureux », j'ai eu un flash de dire « mais c'est comme les enfants. Vous pouvez acheter tous les jouets du monde à un enfant, vous ne garantissez pas son bonheur. » Et au fur et à mesure de tous les items que vous avez abordés, je suis revenu dans ma tête en vous écoutant à cette notion parent-enfant, ce qui se passe dans le cadre familial. Vous ne décrétez pas le bonheur de vos enfants, vous pouvez leur construire un cadre. Vous pouvez être dictateur dans la façon dont vous... Et la relation entre les parents et les enfants, c'est la relation entre nous et nos managers, finalement. C'est ce qui se passe dans le cadre, on a reproduit ça dans le cadre. Et je n'ai pas continué parce que tous les exemples que vous avez cités, j'arrivais à me ramener à ces histoires sur l'autonomie, sur les petits pas, sur je casse, je suis adolescent, je casse. Je ne veux plus de cette façon de fonctionner avec mes parents, quitte à fuguer, et je prends des risques. C'est la même chose que vous avez décrit en disant je prends les risques de perdre mon emploi. La conclusion de ça, au-delà de ce parallèle, c'est de me dire, on a introduit toute cette discussion en disant il n'y a pas de modèle. On ne peut pas réappliquer un modèle à toutes les entreprises, à toutes les organisations. Il n'y a pas de modèle sur le bonheur dans la famille, c'est la même chose. La structure familiale dépend de ces éléments, de contexte, etc. Et la différence, et c'est juste la conclusion qui sera peut-être un débat pour plus tard, le recul qu'on a sur la libération de l'entreprise, le bonheur au travail haute, il a quoi, 10, 15 ans max, 40, 50 ans pour certaines organisations bien spécifiques qu'on connaît. L'étude des cadres familiales, etc., il est beaucoup plus vieux celui-là. Ça fait une centaine d'années que nos psychiatres, neuropsychiatres se posent des questions sur comment on rend les gens et les enfants heureux, comment on les éduque, comment on les fait grandir, comment on leur donne les clés. Et peut-être que des clés pour nos transformations d'entreprise sont allées rechercher dans ces vieux modèles vieux. Mais toujours d'actualité, parce que les enfants s'élèvent toujours de la même façon. Et c'est quelqu'un qu'on n'a pas qui vous dit ça. Mais peut-être qu'il faut aller rechercher dans ces études-là, parce qu'il y a peut-être des clés sur la relation, la confiance, comment on établit une confiance, comment on établit un système qui fonctionne entre des adultes, nos managers, l'organisation, et les enfants qu'il faut... Merci pour ce témoignage. Moi, j'ai deux enfants et du coup, je me pose plein de questions effectivement sur les modes éducatifs. Dès lors qu'on part du principe que manager, c'est faire grandir, le rôle d'un parent, c'est aussi faire grandir. Mmh. Et effectivement, il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de choses liées à l'éducation bienveillante, l'éducation positive, qui sont des courants de pensée et qui sont très proches, en fait, pour avoir vécu moi une formation de ce type-là. Et on était plusieurs à se dire, en fait, ce qu'on est en train d'apprendre là, mais c'est complètement transposable au monde de l'entreprise. Mmh. On est comme on nous considère. Donc... Moi, je ne partage pas complètement cet avis. Alors, du coup, je suis très embêtée. On va éviter les raccourcis. Je vous rejoins complètement et je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit. C'était très gentil. Je comprends que l'entreprise soit un lieu d'émotions, parce que nécessairement, on a des émotions. Il faut que ces émotions aient lieu. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle aille trop loin sur le sujet. Je pense que c'est également, quand on apprend quelque chose, on a tendance à surcorriger. Par exemple, si on vous a appris à dire « de » en anglais, eh ben, vous avez tendance à faire « de », vous le faites trop. C'est la même chose, en fait, quand, dans une entreprise, quand on commence à corriger des choses, on surcorrige et parfois on est trop dans l'émotion. On est tous une famille. Alors quand j'entends typiquement dans cette boîte, on est une grande famille, je me dis, ouais, ça doit coûter super cher en psychothérapie. Donc je dis méfiance quand même. Il y a des choses qui ne sont pas entièrement les mêmes. En revanche, je vous rejoins complètement sur le fait qu'on n'est pas en train de découvrir quelque chose auquel personne n'aurait pensé avant nous. Et ça, c'est très important. Important de le savoir. Je citais les jeux vidéo en ligne parce qu'ils ont essayé de la distance, de l'appartenance, du non hiérarchique avant l'entreprise. En revanche, on peut parler des neurosciences qui se posent des questions un petit peu similaires sur la manière dont on va créer des chemins un petit peu plus rapides. C'est la même chose en termes de processus dans l'entreprise. Je pense qu'on a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à observer autour de nous. Mais attention à l'émotionnel en entreprise, selon moi. Je vais faire la gardienne du temps. Je vais donner le micro, du coup. On va peut-être prendre une dernière question, c'est ça ? Allez, ne soyez pas frustrés une fois encore. Je me lance. On a du temps plus informel. Bonsoir, donc je suis Anne-Judith et je viens du marketing en fait. Donc il y a plein de choses que vous avez dites et qui étaient très intéressantes et qui me rappelaient effectivement la démarche de marketing. Et celle qui m'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui a trait aux clients internes, qui me semble être complètement fondamental. D'ailleurs, je pense en marketing d'engagement en quelque sorte. C'est un peu ce vers quoi ça me fait penser. Je voulais juste savoir s'il y avait une sorte de boucle de retour. On parle souvent du feedback en marketing, donc justement, est-ce qu'une fois qu'on a changé l'organisation, est-ce qu'une fois qu'on a mis en place des choses, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce que non ? Enfin, à mes yeux, en tout cas, on perdure et donc on remesure et on refait de nouvelles actions pour faire évoluer ou est-ce qu'on considère que, voilà, que les choses vont évoluer par elles-mêmes parce que justement, il y aura de l'intention au niveau des salariés et que... Je crois que... Florent a déjà un petit peu répondu sur cette continuité. Non, mais c'est cette continuité qu'il faut, dans laquelle il faut s'inscrire. On n'y arrive jamais à Lille, hein, je pense. On peut faire le tour plusieurs fois. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'entretient et sur lequel il faut travailler en permanence. Enfin, il n'y a pas un jour où on y arrive et puis c'est fini, quoi. Non, mais faut être à l'écoute de ses équipes, de son organisation, et c'est pour ça que voilà, faut naviguer dans l'entreprise, prendre conscience de voilà ce qui a pu être mis en place, comment c'est vécu concrètement. Il y a aussi des outils de mesure qui peuvent être plus généraux, des baromètres, etc., qu'on peut faire, des enquêtes. Mais ça n'enlève pas qu'il faut être toujours à l'écoute et pas simplement par le biais d'un Google Form, quoi. Il faut aller au-devant des personnes, se rendre compte de ce qu'elles évoquent quand elles sont dans des réunions d'équipe, quand elles sont dans des dimensions plus informelles. Donc garder cette prise directe. Et évidemment, oui, enfin, au même titre qu'on n'a pas phasé nous toutes nos étapes, elles sont venues au fur et à mesure. Faut être capable de se dire, peut-être que j'ai travaillé dans un temps 1 la partie managériale, pratique managériale, c'était important et je vais être libéré de cette partie-là peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, non, parce que de toute manière, les managers, ils évoluent. Il y a des dynamiques qui ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Donc ça aussi, la pratique managériale, il ne suffit pas d'avoir affiché un modèle puis d'avoir porté les valeurs. C'est derrière l'entretien. Il faut s'autoriser de se dire, ce sujet-là, on ne l'avait pas vu et au final, il faut quand même peut-être l'activer. Les espaces de travail, nous, on n'avait pas vu qu'il fallait qu'on travaille spécifiquement sur le sujet. Alors quand on a rencontré les collaborateurs, c'est l'irritant principal qui est revenu, donc on s'est dit, il faut qu'on le fasse. Par contre, on va le faire en donnant la main aux collaborateurs. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut être à l'écoute et il faut être hyper vigilant en se disant, on n'a peut-être pas trouvé la bonne recette, même pour nous, hein, moi je dis qu'on n'a pas trouvé la bonne recette. Aujourd'hui, on n'a pas mis nos collaborateurs dans une posture d'être en confort, d'être bien dans leur job au quotidien. On sait que ça reste une valeur cible. Voilà, donc on ne dit pas aujourd'hui, venez chez Groupe SEB France, les gens sont forcément bien, ce n'est pas le cas. Parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les leviers qu'on a travaillés, ça permet juste de faire face à la complexité grandissante de tous les métiers, du changement des organisations, du digital, etc. Ça permet juste pour nous à date. Donc ça veut dire que oui, on doit sans cesse l'entretenir. Et après, juste par rapport à ce que vous reflétiez, je pense que c'est l'expérience. Il faut une expérience globale. Donc tout d'abord, au début, on a démarré par le baby-foot. C'est un élément qui... Pour moi, c'est l'expérience globale. Il faut travailler sur tous les leviers qui font l'expérience collaborateur dans le quotidien. Et évidemment que dans l'expérience collaborateur, j'ai l'environnement dans lequel je travaille. Donc si j'ai un environnement de travail adapté par mes postes, par la manière dont la décoration est faite, est-ce qu'il y a des plantes, est-ce qu'il y a vraiment un univers qui me permet de me sentir bien. On passe suffisamment de temps au travail, puis de plus en plus le travail on le ramène à la maison, donc il n'y a pas aussi du sens à ce que les bureaux reflètent aujourd'hui aussi ce que peut être une maison, avec différents espaces de travail faits pour la concentration, la déconnexion, la lecture. Revenir vraiment sur la posture du travail au quotidien. Si travailler c'est censé être derrière mon écran, sur mon bureau, ancré, et quand je suis pas à mon bureau, je suis dans une réunion où je ne sais pas pourquoi j'y suis d'ailleurs, on n'aura pas réussi. Et même si j'ai effectivement un baby-foot à côté ou une salle de sport, ça n'ira pas, parce que j'ai pas le temps d'y aller à la salle de sport. Si mon manager m'accompagne pas, voilà. Donc c'est un ensemble, c'est un écosystème global qu'il faut vraiment travailler. Je vous propose de mettre fin à la table ronde. Manuela, peut-être ? Je crois que notre chef de projet de l'événement voudrait prendre la parole. Bonsoir. Je vois que vous avez beaucoup de questions. Donc, comme Marine l'a précisé, vous pourrez retrouver les conférenciers lors du cocktail. Ils seront disponibles pour poursuivre les échanges. Donc, je me présente, Manuela Giambo-Guironet. Et je suis volontaire PMI Lyon. Et j'ai eu le plaisir d'organiser cette conférence. Donc, pour clôturer, je souhaiterais remercier nos quatre conférenciers pour leur partage, pour ce retour d'expérience, pour toutes ces réflexions. Et de la part du PMI Lyon, je souhaiterais vous offrir un petit cadeau de remerciement. Bon, c'est comme à Noël, tout le monde a envie de savoir, non? Est-ce que je peux avoir des amis? Donc, je souhaite également remercier l'IAE de nous avoir accueillis aujourd'hui. Donc, merci à Madame Delphine Gréco qui nous a accompagnés tout au long de l'organisation. Merci à toute l'équipe PMI Lyon, donc tous les bénévoles qui ont activement contribué à la réussite de cette conférence. J'en profite pour annoncer notre prochain événement donc, qui se tiendra ici à l'IAE le 28 septembre. Il s'agit du forum PMI qui est sur le thème iProject, les multifacettes de l'intelligence. Voilà. Donc, je vous invite justement à rejoindre le cocktail. Donc, vous pourrez sortir directement sur la gauche. Il y a des flèches qui indiquent la salle. Merci, bonne soirée.